2, 1, 2, 3, 4. Boum boum. Boum boum. Musique française, curieuse. Le quatrième mercredi du mois. De 21h à 23h. Sur Prune 92 FM. Boum boum mo. Musique française curieuse. On ne souhaite pas encore bonnes vacances à Boum boum mo. Par contre, on souhaite bonnes vacances à Jonas qui m'a abandonné à mon triste sort et qui me laisse assurer l'animation ce soir et la technique. Et comme vous le voyez, je suis mort de trouille, mais je m'en sors plutôt pas mal, j'ai l'impression. Tu gères. Magnifique. Coucou le doux pays de Wax, comment ça va? Ça va très bien, merci. Vous êtes nos invités ce soir pour cette dernière émission de notre 9e saison. Le doux pays de Wax, est-ce que je me trompe en disant que c'est un nouveau venu dans le paysage nantais? Je vous ai aperçu à Safe Place, j'ai cru voir des dates passer aussi au lieu unique et à Bras de Fer tout récemment. Yes. Bah le principe, le nom est nouveau, et d'ailleurs il est tellement nouveau que maintenant c'est même le pays de Wax, qui a rien perdu de sa douceur mais qui raccourcit quand même un peu. Après la complicité avec Hugo, elle date depuis le collège, et la complicité derrière les platines, elle a quelques années maintenant, mais on a changé de nom quasiment à chaque fois qu'on mixait au lieu unique, effectivement. Et on s'est un peu stabilisé sur 2023, sur le pays de Wax, qui concentre vraiment nos envies, nos idées de partage de la musique. Et avec des petites illustrations assez fantastiques, mais vos visages restent secrets, on n'a pas le droit de dévoiler vos vraies identités. C'est vrai qu'on est un duo de DJ qui ne montreront pas spécialement nos visages. Je pense que pour l'instant, tout le monde s'en fout. Et puis, on va continuer de cultiver ça avec des images générées par intelligence artificielle. On n'est pas spécialement masqué non plus. C'est vrai qu'on n'est pas masqué non plus. Mais par contre, les prochains visuels, effectivement, seront dessinés sous Paint. Et c'est assez différent, oui. Est-ce qu'il y a une esthétique musicale? On vient parler de l'esthétique un peu graphique, mais est-ce qu'il y a une esthétique musicale? J'ai suivi que votre set à Safe Place qui était... assez deep house au moment où j'étais là, en tout cas il y a un mois ou deux. Est-ce qu'il y a une ligne directrice ou est-ce que c'est large, genre 360 degrés? Je vais répondre, Hugo. Ouais. C'est la question du genre. Les questions de genre sont difficiles. Hugo et moi, on s'est rencontrés au collège et où il m'a fait découvrir Cheval de Frise et Moondog, tout en étant capable de pleurer sur du Mozart. Et moi j'ai bossé pendant plus de 15 ans sur la musique de Moondog, donc par définition c'est l'éclectisme qui nous unit aussi. Après, Hugo m'a fait découvrir la musique électronique. On est quand même sur, enfin, moi je pense qu'on passe de la house en fait, mais disons une house particulière, et bon, on saute un peu de ça, change de, bon, faut écouter. Ma question suscite de vifs débats au sein du duo. C'est des débats qu'on a entre nous, c'est des débats qu'on a à chaque fois qu'on mixe quelque part et qu'on nous demande un genre. Parce que ça, effectivement, c'est pas unique, on passe pas qu'un seul morceau par définition. On aime bien aller chercher des choses qui sont un peu différentes aussi. Même dans la Deep House, si on prend ce truc-là et qui est vraiment un genre que j'ai découvert moi, il y a peut-être 2 ans, à tout casser. Même là-dedans, on va chercher des choses qui font déjà des pas de côté dans ce genre-là qui est bien codifié. Donc c'est vrai que la question de l'esthétique, mais encore une fois, pour quelqu'un qui a passé 15 ans de sa vie, donc la moitié de ma vie, à bosser sur du Moondog, la question de l'étiquette, elle est toujours compliquée, quoi. Allons à la découverte de cet éclectisme dont tu nous parlais, avec une sélection d'une heure, un petit peu moins. Qu'est-ce que vous avez prévu pour cette heure de musique française et francophone curieuse? Il y a un peu moins d'une heure par définition. Moi, je vais juste passer 2 disques qui sont... et Hugo fera vraiment la grosse partie du taf et racontera peut-être son set après. Les 2 disques que je vais passer, c'est 2 disques qui sont importants pour moi par rapport à ce travail de DJ avec Hugo. Le premier, enfin je peux donner les noms d'entrée de jeu en fait, mais le premier c'est Basilic Mystic, qui est un alias des mecs qui ont fondé Existence, qui est un label de Deep House des années 90, mais sur la côte ouest des États-Unis, et qui est vraiment un énorme coup de cœur pour moi, et un label que je, que je digue et je veux tous les disques en fait. Il y a le côté complétiste à ça. Et l'autre morceau, c'est un morceau de Franck, donc ça c'est plutôt ancien. Et l'autre morceau, c'est un morceau de Franck Gérard, c'est plus contemporain pour le coup, qui est un musicien lyonnais, la clique de Groove Edge, qui est également une grosse découverte pour moi, des musiciens de Lyon qui font une espèce de musique électronique assez singulière et qui sont tout entiers dévolus à la défense de leur boulot. Et, c'est des gars assez cool. Amaury, donc, derrière les platines pour les deux premiers morceaux de ce set. Puis c'est Hugo qui prendra le relais, le doux pays de Wax, ou plutôt devrais-je le nommer sous sa nouvelle appellation, le pays de Wax. On part tout de suite en musique. Vous êtes sur Boom, vous êtes sur Prune, vous écoutez Boom Bomo, c'est notre dernière émission de la 9e saison. Le pays de Wax. Plus qu'à couper les micros, Jonas, j'ai pas fait de bêtises pour l'instant. Tu gères. Bonne écoute. Vincent. À tout à l'heure. Bonne écoute. Darkness in the air of now, we sing so deep, then we may run so steep and help the world to be the sun. We are just two, the love and just me and you. They are just two, lover and the love, just me and you. We'll be right back. Thank you. We'll be right back.

Thank you.

pays de Wax. Il était pas si doux que ça, ce pays. Il était bien électronique. Bravo! On fait des petits applaudissements. Wouhouhou! C'était trop cool. Merci Vincent. Merci Hugo. Merci. Et merci à Maury qui a assuré le début du set aussi. Et Hugo, la fin jusqu'au bout, puisque c'était une prod d'Hugo sur laquelle on finit. Je le dis finalement, je révèle. Ah ouais, on révèle le poteau rose. Trop cool, merci beaucoup pour cette belle sélection. Est-ce qu'on peut vous entendre dans un bar de Nantes ou d'ailleurs, dans un club de Nantes ou d'ailleurs, ou peut-être même dans un festival cet été? Eh ben, on fait notre premier set à Bras de Fer le 6 juillet. C'est la semaine prochaine, effectivement. On mixe ensuite, on a un mois d'août bien creux, comme beaucoup de mois d'août. Et on mixe à Hometown. On a plaisir d'aller découvrir le fameux système de Hometown le 8 septembre, si trop pas bien. De bêtises. Du côté de Chantenay. Exactement. Collé à Macadam. Hyper impatient de faire ces deux dates. Trop bien. Bras de Fer et Hometown, c'est rigolo parce que Bras de Fer, c'est là où j'organise une semaine après vous ma première soirée Balbomo autour des musiques traditionnelles des pays de France. On ira en Auvergne pour la première. Vous, c'est le vendredi 6 juillet. 6 juillet, ouais. Gageons qu'on fera des clins d'œil à la soirée. Trop cool. Et nous, le vendredi 13, ce sera avec Brahma, un live via la roue. Guitare, batterie qui nous vient tout droit de Corrèze, je crois. Et puis juste après, il y aura des sets de Stella Maris. Et de toi-même. Qu'on a déjà entendu dans Balbomo. Et de moi-même. Et puis Hometown, il se peut que les soirées Balbomo ou les soirées Balbomo y atterrissent l'an prochain, mais j'en dis déjà beaucoup trop. Il y a d'autres actualités me concernant avant cette soirée Balbomo du 13 juillet. Il y a déjà une cassette que je sors sur le label de Poitiers, Astral Soda. C'est un label qui est un peu spécialisé dans les sorties de cassettes, de mix autour des musiques françaises, francophones des années plutôt 80-90. J'avais eu la chance de sortir il y a 2 ans un mix Italo-Disco que j'avais appelé Weekend à Rome, parce que j'aime bien faire des petits clins d'œil quand même à la musique bien pop. Je ressors vendredi prochain, à l'occasion des 10 ans du label, une deuxième cassette qui s'appelle La vie en rose. Encore un petit clin d'œil, vous l'avez ou pas? Cool. Weekend à Rome, La vie en rose, normalement, c'est des gros classiques. On fête les 10 ans du label à Dishonored vendredi avec Vidal Benjamin, Kiki Fruit du label Astral Soda et moi-même. Donc. Et puis bah, voilà, je sors cette cassette. Pas vraiment Italo Disco, celle-là, elle est beaucoup plus Euro House. Trans et même un peu Eurodance, quoi. Voilà, tout est français ou francophone. On flirte avec le ringard, on retourne sur des trucs un peu plus sombres et sérieux. C'est la chanson, la musique française pour le meilleur et pour le pire. C'est évidemment ce qu'on va écouter lors de la prochaine heure, qui sera notre dernière heure de notre dernière émission de notre 9e saison. On revient l'an prochain sur les ondes de Prune pour une 10e saison. Toujours au format mensuel, et il y aura plein de belles soirées pour fêter ce 10e anniversaire, plein de belles soirées Balbomo et plein de belles soirées Balbomo aussi. Cette cassette La Vie en Rose, donc elle sort vendredi, la soirée Balbomo c'est le 13 juillet à Bras de Fer, et juste avant le 6 juillet, il y aura la soirée avec le pays de Wax, qui sera doux quand même. Il y a toujours de la douceur, t'as vu? Oui, il y a toujours de la douceur. Merci beaucoup les gars d'être venus dans Balbomo. On écoute Prune jusqu'à 23h. Attention. Radio Pruneau. Ça va envoyer un petit peu. Le monde blême tue tous les désirs. Notre plus bel été est mort de plaisir. Il ne t'a pas porté bonheur, n'est-ce pas? Tu n'en as gardé que ses lèvres rouges pour moi, si bien caché dans la forêt. Durant des nuits, je les ai cherchés dans les cendres de l'hiver glacé. Je suis si fou de tes lèvres cerises. femme pour ta peau de satin. Le mai a fait son lit, c'est là que je passe le temps, près de ton corps toutes les nuits. C'est là que je veux être, dans la vallée marine, aux odeurs d'embrun, aux effluves intimes. Je suis si fou de tes lèvres aux cerises. Je suis si fou de tes lèvres aux cerises. Les cerises et dans les cheveux noirs, fais dormir mes mains étées près de ton corps d'ivoire, sans jamais dormir vraiment. Viens là, je connais un jeu exquis dans la vallée profonde, dans l'humus transi. Oh, excusez-moi. Thank you. C'est chaud, très chaud. Mes lèvres caressent la soie. De ton chaud, ton étroit. Et passer à travers mes doigts. Pour caresser ton petit chamois. Sous le chaud des garçons. Sous le chaud des garçons. Sous le chaud des garçons. Ce DJ est à consommer sans modération. Thank you. Mais pour que ce soit bon, il faut le mettre à fond. À fond. À fond. À fond. Crazy! Thank you.